Débat. Culture. Idées. Musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça c'est l'Europe. Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 à l'écoute d'Europe & Roll. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nourriture européenne. On parlera évidemment spécialité européenne, mais aussi malnutrition, normes de l'UE concernant les aliments, tout ça ponctué par des musiques et des chroniques culturelles. Bref, de quoi vous mettre l'eau à la bouche. À côté de moi en studio, il y a Alexis. Bonjour. Il y a Anaëlle. Salut à tous. Morgane. Bonjour à tous. Et Cathy. Coucou. Alors, on va commencer tout de suite par un petit quiz préparé par Anaëlle. Connaissez-vous bien les différentes spécialités européennes ? Anaëlle va maintenant vous, chers auditeurs, et nous, chroniqueurs d'Europe & Roll, mettre à l'épreuve. Les gars, à vos micros. Alors, c'est parti. Donc, première petite question. Ça va être simple. En fait, à chaque fois, je vais vous donner un pays et vous allez me donner les spécialités culinaires de ce pays. Et après, on va en parler si c'est des cuisines qu'on ne connaît tout simplement pas du tout. Donc, pour le Portugal, qu'est-ce que vous savez des spécialités culinaires ? Ils mangent du leitão. Yes, Alexis. le porcelet. Morgane, j'avais pas compris le premier plat que tu as dit. C'est du portugais. C'est le leitão. Ah, ok, elle parle portugais. Moi, je connais plus la morue portugaise. Yes. Le bacalhau. Ouais, exactement. Et donc, ouais. Je savais pas que ça se prononçait moi, comme je ça. Je sais pas non plus. J'imite un peu. Hein. Bah écoute, moi j'ai vu bacalhau, donc je pense que ça. Et donc en gros, c'est un mélange de morue avec des oignons, des frites, des olives et du persil. Alors, deuxième pays, on va passer à la Russie. Qu'est-ce qu'on mange en Russie de très spécial ? Du goulash. Et ? Pas du goulag. C'est pas vraiment ça. Ah, pas vraiment. Désolée. Alors, j'avais un autre plat. Est-ce que vous en connaissez d'autres ou pas, par hasard ? Je pense qu'ils mangent beaucoup de betteraves. Ça, je ne peux pas te dire. Non, mais dans les pays... En fait, dans les pays un peu de l'Est, et tout, ils mangent beaucoup de betteraves parce que c'est... ferré. Non, parce que c'est ferré que ça pousse beaucoup là, apparemment. Ah, ok, écoute. Voilà. Tu m'en apprends. Petite anecdote. C'est pas des pommes de terre aussi dans les pays nordiques ? Si, pour avoir bien chaud. Du coup, moi j'avais noté le pelmeni, je sais pas exactement comment ça se prononce. En gros, c'est une pâte fine cuite farcie avec à l'intérieur du coup de la viande hachée ou du poisson et c'est originaire de l'Oural. Okay. Alors, tout simplement la France maintenant. Donnez-moi des plats. Escargot, foie gras. La ligot. La truffade. Hein ouais, la tartiflette, la fondue. Quand on vient vraiment de l'étranger et qu'on dit France, sur les cartes de postales de France, parfois il y a ces plats. De grenouilles. Les cannelés à Bordeaux. Des trucs un peu de grand-mère. Ah non. Le bœuf bourguignon presque le pot-au-feu. Du coup, oui, c'est tout simplement un plat de viande de bœuf cuisant longtemps à feu très doux dans un bouillon avec des légumes. Et donc, ce plat date du XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Maintenant, nouveau pays, en Croatie. Oula. Les viandes grillées, non, c'est pas ça. Non, justement, moi j'avais les anguilles de Neretva. Tout simplement. L'Italie, c'est très simple pour le coup. Pizza, pasta. La bolognaise. Yes, lasagne, risotto, bruschetta, mozzarella, tiramisu. Ah, quel bel accent. Et on a... Merci, Morgane. Un peu plus dur, en République tchèque. Bah, en boisson, je dirais la bière après. Pour manger, je sais pas. Moi, je dirais de la viande toujours. Ouais, exact. Les incontournables en République tchèque, c'est vraiment le rôti de porc ou de bœuf accompagné de, excusez mon accent, knedlíky. Donc, c'est une préparation avec de la farine, des œufs, de la levure et du pain rassis, tout simplement. Ah, bah, c'est comme des. Yes. C'est des knödel, en fait. Je pense. Ça doit être leur version. C'est possible. Avant-dernier pays, en Espagne, le plat. La paella. Yeah. Et pour finir, en Autriche. Du schnitzel. Pour faire plaisir à mon amie Anya, je vais dire du Kaiserschmarrn. Et c'est quoi ? En fait, c'est une sorte de crêpe, mais on fait les crêpes comme des œufs brouillés. C'est très bon, mais assez spécial, voilà. Ah bah, je connaissais pas, il faudra essayer. Mais sinon, oui, j'avais l'escalope à la viennoise. Donc, c'est une fine tranche de viande enrobée de chapelure et de frites. Mmh. Et ce plat est apparu à Vienne au cours du XVIe siècle. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur les spécialités culinaires européennes. Merci Anaëlle. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, ou plutôt mettre les pieds dans le plat. Oui. C'est l'heure de la discussion avec Alexis et Cathy. Cathy, d'abord, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter de quoi tu vas parler ? Alors nous, notre grand thème, c'est la malnutrition. Donc beaucoup de gens pensent que la malnutrition ne touche plus les pays européens. Ils ont tort, parce qu'il y a différentes sortes de malnutrition. Il y a la malnutrition aiguë, c'est la forme la plus connue. C'est celle que l'on voit apparaître lors des famines ou de conflits armés. C'est pour ça que les gens pensent qu'en Europe, il n'y a pas vraiment de malnutrition, vu qu'il n'y a plus vraiment de famine ni de conflits armés. Et elle touche plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Mais il y a aussi la malnutrition chronique. C'est lorsque les personnes n'ont pas accès à une alimentation équilibrée et ne disposent pas des vitamines et nutriments suffisants pour se développer normalement. Chez les enfants, elle peut avoir des conséquences à long terme. S'ils sont atteints d'un retard de croissance, ils auront des difficultés d'apprentissage, un développement physique retardé et auront plus de risques de contracter des maladies. Et enfin, il y a aussi le surpoids et l'obésité qui sont des formes de malnutrition. C'est en fait l'excès de nourriture ou une alimentation trop riche en gras entraînant des maladies telles que le diabète et des maladies cardiovasculaires. 2,5 millions d'adultes meurent chaque année des suites de ces maladies, dont la moitié dans les pays en développement. Eh bien, c'est moins joyeux que le quiz d'Anaël, mais c'est sûr. Mais merci beaucoup, Cathy. Et quels sont les pays les plus touchés ? Alors, donc, comme dit, la malnutrition aiguë, c'est pas vraiment dans les pays européens, c'est plutôt dans des pays africains. On le voit le plus, mais la malnutrition liée au surpoids et à l'obésité, c'est dans les pays plutôt développés où le fast-food est c'est l'alimentation principale de beaucoup de personnes. Donc je dirais aux États-Unis et en Europe. Voilà. Et si je peux me permettre aussi, c'est souvent dans les pays du sud de l'Europe, parce que eux, le régime méditerranéen est souvent considéré comme bien plus sain que ce qu'on mange, surtout Europe de l'Est et puis Europe du centre, où on mange beaucoup de fast-food. Ouais. Et pour revenir sur le régime méditerranéen, justement, j'avais vu une vidéo sur la mémoire. Et donc, le lien entre la nourriture et la mémoire. Et donc, en conclusion de ce reportage sur Arte, il disait que la meilleure alimentation qu'on pouvait avoir pour performer, pour avoir une mémoire la plus performante, c'était justement le régime méditerranéen, donc surtout des crudités, du poisson avec de l'huile d'olive. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Et maintenant, peut-être une première pause musicale avec Cathy. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, si vous aussi vous écoutez cette émission, c'est que vous avez réussi à survivre au fameux mois de novembre. Félicitations. Malheureusement, le mois de décembre ne rime pas avec la fin de la pluie, surtout à Nancy. Si vous aussi le matin, juste en entendant le bruit de la pluie, vous voulez vous recroqueviller dans votre lit et vous enfuir dans vos rêves en attendant que la pluie cesse et fasse place au soleil, alors cette chanson est faite pour vous. California Dreaming de Mamas and Papas vous permettra de vous évader dans les contrées sûres de la Californie, même durant les jours les plus pluvieux, à travers feuilles mortes et ciel grisé. Merci beaucoup Cathy pour cette jolie musique. Alors maintenant, Anna va nous parler d'un phénomène sociologique lié de près ou de, lien, de, ou de loin à la question de la nourriture en Europe. Il s'agit de la grossophobie. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? Anna nous a préparé une petite chronique. Ça va ou quoi la mif ? Oh putain mec, je t'avais pas reconnu ! Ça va ? Ça va, tranquille et toi ? Lui, c'est un de mes meilleurs amis. Ça a toujours été un mec sympa. Je le connais depuis la première et dès qu'on est à Paris tous les deux, on essaye de se revoir. Mais quand il est arrivé, mon pote, bah, je l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait perdu énormément de poids. Putain, c'est fou parce que... en fait, t'as pas changé moi, mentalement, mais t'es toujours le même. Mais physiquement, c'est bluffant. Hein. Bah, franchement, c'est flatteur. Hein. À un moment, il a dit quelque chose de frappant. Le regard des gens... franchement, il a vraiment changé. Et tu le vois tous les jours, ça. Il y a vraiment des gens qui me calculaient pas, tu vois, avant, tu vois. Genre, ils faisaient leur vie, je faisais la mienne. Et ces personnes-là, tu vois, genre, j'avais pas forcément d'attache avec eux et ils en avaient pas forcément avec moi. Et même des fois, genre, enfin, j'avais des échos comme quoi, vas-y, ça crachait un peu dans le dos, mais vas-y, c'était. Je laissais passer parce que j'en avais rien à foutre. Mais maintenant, voilà, c'est ces mêmes personnes qui aujourd'hui viennent te voir, tu vois. Et franchement, ça me fait rire un peu. Le cas de mon ami n'est pas un cas isolé et la plupart des personnes qui obtiennent des résultats quant à leur perte de poids font souvent le même constat. Le regard et le comportement des autres changent. Au lycée, il est devenu tout de suite beaucoup plus drôle, beaucoup plus sociable, plus désirable aux yeux des autres. Comme si avant, ses rondeurs avaient constitué un frein, un poids. Ainsi, amincis, il avait accès à plus d'opportunités. Pourtant, il n'avait pas changé d'attitude. Et s'il n'avait pas fondu, que se serait-il passé ? En France, la norme est la minceur. Ceux qui s'en éloignent sont le plus souvent exposés à des discriminations. Alors s'il n'avait pas lâché des kilogrammes au lycée, mon ami aurait toujours eu à porter le poids de son poids. Car oui, il y a un poids au poids. Comme si le poids des kilos était alourdi par un poids social. Parce que être gros, ce n'est pas seulement une forme physique, c'est aussi un mental pour les autres. Dans notre société, on associe aux ronds et aux rondes des caractéristiques de passivité, un manque de volonté, de laideur et de mauvaise santé. Mais alors ? Le fait d'être enrobé pourrait ainsi créer des problèmes d'accès à certaines activités ? Eh oui ! D'après un article du Monde, un employeur aurait tendance à privilégier un demandeur d'emploi plus mince, auquel on associe des caractéristiques de bonne santé et de dynamisme. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, pour un chômeur sur trois, il est acceptable de refuser un emploi à une personne en surpoids. Et pourtant, c'est pas légal. La France est, avec la Belgique, le pays de l'Union européenne à compter l'apparence physique parmi les critères de discrimination à l'embauche. Une belle preuve de discrimination, en somme. Ouais, ici, on peut parler de discrimination. Enfin, le terme le plus exact, c'est grossophobie. La grossophobie, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de stigmatisation ou de discrimination face au poids. Sauf que la surprenante caractéristique de la grossophobie, c'est qu'elle vise 50% de la population française. Car oui, 50% de la population française est en surpoids, d'après l'OCDE. En fait, quand on y pense, le véritable problème, c'est pas tant le surpoids d'une grande partie de la population. C'est le fait que leur stigmatisation aggrave leur situation. Qu'elle soit inconsciente ou volontaire, la stigmatisation peu à peu aggrave l'état de santé physique et psychologique des personnes. En effet, les stigmates associés au poids poussent les gros et ronds à s'isoler, les rendant encore plus vulnérables sur le plan physique, psychologique et social. Par exemple, une femme ronde va éviter les salles de sport par peur des remarques méprisantes comme « Regarde la grosse qui court ». Bonjour le cercle vicieux. Alors, il serait peut-être temps de changer le regard que nous portons sur les autres. D'ailleurs, des organisations comme l'OMS et l'OCDE l'ont bien compris et prévoient de mettre en place différentes actions de lutte contre la stigmatisation du surpoids, ses conséquences médicales et sociales. D'ailleurs, les remarques sur le poids, peut-être qu'un jour vous les subirez aussi. Les critères de beauté changent rapidement et il suffit que vous soyez un peu différent de la nouvelle norme pour que vous deveniez le gros de quelqu'un. Et ça, c'est un bel argument de poids. Voilà, c'était la chronique de Anna sur la grossophobie. Et maintenant, on va retourner à la discussion. Et Alexis, je me demandais, que fait l'Europe face à ces problèmes de malnutrition ? Eh bien justement, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, donc comme on l'a dit, la malnutrition, ça ne touche pas que les pays en voie de développement, ça touche aussi l'Union européenne. Alors l'Union européenne, depuis quelques années, elle fait partie de plusieurs protocoles. Alors notamment depuis 2007, l'Union européenne participe au protocole de prise en charge communautaire de la malnutrition, le PCMA, qui est en fait mis en place par l'UNICEF. Elle participe aussi à d'autres protocoles, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial et des protocoles nationaux, donc dans tous les pays qui ont été adoptés. Partout, en fait, dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés, puisqu'on l'a dit juste avant, c'est aussi un grand thème. Et donc, dans toutes ces choses-là, il y a des traitements qui existent, parce que la malnutrition, ça va provoquer non seulement des problèmes de poids, que ce soit du sous-poids ou du surpoids, mais ça peut aussi créer des maladies qui, elles, doivent être traitées, parce que si elles ne sont pas traitées, ça devient très grave. Du coup, l'Union européenne prend en charge des traitements, alors notamment sur la dénutrition, plus que sur la malnutrition, où il s'agit de mal manger, parce que là, en l'occurrence, l'Union européenne, elle n'y peut pas grand-chose, finalement. Elle peut difficilement aller vérifier ce qu'il y a dans les assiettes de tout le monde. En revanche, voilà, pour la dénutrition, elle intervient directement avec des médicaments, des compléments, tout ça, des choses qui peuvent avancer. D'ailleurs, il y a un gros financement de l'Union européenne qui est alloué à ces programmes de nutrition. Sur les 10 dernières années, c'est monté jusqu'à 140 millions d'euros en 2018, ce qui est finalement assez grand. Et ça permet de fournir des produits alimentaires spécialisés qui sont utilisés dans les traitements contre la malnutrition. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, souvent, donc en Europe, la malnutrition touche surtout les ménages modestes. C'est-à-dire que ceux-ci ne peuvent pas vraiment acheter des produits, des produits bio, des fruits et des légumes, parce que ça coûte vraiment plus cher. Et aussi parce qu'en fait, les sucres rapides, ça reste moins longtemps dans l'estomac et ils ressentent la faim. Enfin, la faim revient beaucoup plus vite. Donc, les personnes ont tendance à plus manger de pâtes et de choses comme ça, ce qui n'est pas forcément bien. Et donc, des carences apparaissent. Et aussi, des personnes sans abri, par exemple, ils ne peuvent pas vraiment bien se nourrir car ils n'ont pas de four ou de cuisine où ils peuvent se préparer des choses. Donc, ils sont forcés, contraints d'acheter des plats déjà tout faits en magasin, et ce n'est pas vraiment le top pour la nutrition, quoi. Oui. Non, c'est très bien. Étant fille de cuisinière, je tiens quand même à dire que tout ce qui est niveau malnutrition, en fait, c'est une grosse chose d'éducation, puisque aujourd'hui, je pense que les enfants, on ne sait souvent pas ce qu'ils mangent. D'ailleurs, Cathy va nous rapporter quelques chiffres sur ça. Et vraiment, par exemple, sur tout ce qui est, ce que tu as dit tout à l'heure, fruits, légumes et tout. Oui, c'est plus cher, mais quand on achète des produits tout faits, déjà préparés, bon, quand on est sans abri, comme tu l'as dit, on n'a pas le choix. Mais quand on fait ça en tant que ménage modeste, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup plus cher que de cuisiner soi-même. En plus, cuisiner soi-même, c'est partager un peu de temps en famille, et je pense donc que c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, c'est exactement ça. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose. Les familles il y a de plus en plus de familles monoparentales, et donc ils n'ont pas le temps non plus de faire à manger pour leurs enfants. Et donc c'est pour ça que les plats tout préparés viennent de plus en plus sur les tables, et les enfants consomment de plus en plus de plats tout prêts. Et aussi juste quelques chiffres. 87% des écoliers ne savent pas ce qu'est une betterave, et un tiers ne reconnaît pas un poireau, une courgette, une figue ou un artichaut. Et donc je pense qu'il faut aussi beaucoup faire dans l'éducation, parce que les enfants ne savent plus se nourrir. Merci beaucoup Cathy, Morgane et Alexis. C'est l'heure de la deuxième pause musicale. On t'écoute Cathy. Si de Mamas and Papas n'ont pas réussi à vous emmener dans leur voyage vers la Californie et que vous êtes coincé à Nancy, où les beaux jours se font presque aussi rares que la neige en soir de Noël, je vous invite vivement à écouter La pluie d'Orelsan. Elle vous fera peut-être prendre conscience que la pluie, au final, ce n'est pas si grave. Donc prenez le temps de vous promener un jour de pluie. Celle-ci vous fera peut-être voir les choses sous un autre angle. Vous serez étonné. Mais n'oubliez pas les chaussures et la veste imperméable. Sinon, votre promenade risque de tomber à l'eau. Pour devenir ce qu'il voulait être, ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau chez moi, il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de... de petits vieux. Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux. Où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe. Où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau. C'était donc Aurel San sur Europe & Roll. Maintenant, on va faire un portrait européen. Morgane va nous parler d'une grande chef cuistot, enfin une femme. C'est Anne-Sophie Pic et tu vas nous la présenter maintenant. Oui, justement, après la malnutrition, je vais donc passer maintenant à l'autre extrême de la cuisine, la haute gastronomie. Et comme tu l'as dit, dans l'univers très masculin de la cuisine, marqué par des grands noms tels que Paul Bocuse, Joël Robuchon, ou pour sortir de la perspective un peu franco-française qu'on a toujours, le britannique Jamie Oliver, il ne faut pas cependant oublier les femmes. Donc, dans le cadre de cette émission sur la nourriture et la cuisine, je vais vous présenter Anne-Sophie Pic, la seule femme française auréolée de 3 étoiles Michelin. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une femme pour laquelle l'art de la cuisine coule véritablement dans les veines. Née à Valence en 1969, Anne-Sophie Pic est en effet issue d'une longue lignée de cuisiniers. Son arrière-grand-mère, Sophie, était déjà cuisinière. C'est elle aussi qui ouvre le restaurant familial de l'Auberge du Pain en Ardèche en 1889, qui sera repris par son fils André, puis par son petit-fils Jacques Pic, le père de la petite Anne-Sophie. En 2019, 130 ans plus tard, c'est donc une autre Sophie qui se trouve à la tête du même établissement. Une vraie dynastie. Or, malgré la fascination pour le métier et la passion de son père, Anne-Sophie Pic n'a pas toujours rêvé de devenir cuisinière. Elle décide ainsi de s'inscrire dans une école de commerce à Paris et commence sa carrière dans l'industrie du luxe. Cependant, un coup dur du destin va la pousser à revenir vers le monde culinaire. Après le décès subi de son père en 1992, le restaurant familial va en effet mal. Elle reprend alors l'établissement avec son frère Alain et travaille d'arrache-pied pour moderniser les plats proposés et sauver le restaurant qui, en 1995, avait perdu sa 3e étoile. Ses efforts paieront ainsi 10 ans plus tard avec la reconquête de la 3e étoile en 2007. Cette même année, Anne-Sophie Pic est également élue chef de l'année par le guide Michelin. Autre grande récompense, elle est désignée meilleure femme chef du monde par le prix Veuve Clicquot en 2011. Aujourd'hui, Anne-Sophie Pic est à la tête d'un véritable empire culinaire avec des restaurants à Paris, Londres, Lausanne, mais surtout à Valence, sa ville natale, ainsi que de plusieurs épiceries fines et d'une école de cuisine. Totalisant 8 étoiles Michelin, elle est une des chefs les plus étoilées et reconnues dans le monde. Et je vous laisse donc sur l'un de ses plats signatures, les berlingots, sorte de pâte délicatement pliée et à l'intérieur coulant et gourmand, inspiré des bonbons de son enfance. Sa recette phare est ainsi composée d'un crémeux de chèvre de banon légèrement fumé, accompagné de son consommé au cresson, infusé au gingembre et à la bergamote. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne faim, en tout cas. Oui, moi aussi, j'ai très faim. Et maintenant, on va passer à autre chose. C'est Marin qui nous a concocté une chronique culturelle. Il n'est pas en studio, mais Alexis va se faire un plaisir de nous parler donc du coup de cœur de Marin. C'est la série Hippocrate. Et oui, nous sommes bientôt au mois de décembre et les températures glaciales. D'ailleurs, quand vous écoutez cette émission, on est en décembre. Alors, quand on l'enregistre, on est encore en novembre, mais vous l'écouterez en décembre. Les températures glaciales de l'hiver font froid dans le dos. Quoi de mieux qu'une excellente série française à regarder sous la couette pour aborder bien plus sereinement la période à venir. Dans un contexte de grève du personnel soignant, je voudrais vous parler donc de l'excellente série Hippocrate, créée par Thomas Lilti et diffusée sur Canal. Alors, pour vous planter le décor, n'imaginez rien d'extravagant, seulement un hôpital de banlieue parisienne, débordé comme trop souvent aujourd'hui, avec une directrice portant cet hôpital Raymond Poincaré à bout de bras. Les médecins chargés du service de médecine interne sont en quarantaine car un malade est décédé d'un agent pathogène non identifié. Alors que ces médecins sont cantonnés dans un hôtel, le service n'est géré que par une interne, certes très expérimentée, Chloé Antowska, et 2 jeunes internes arrivant pour leur premier stage d'internat, Hugo et Allison. Alors avec l'aide d'un médecin légiste, ils doivent gérer le service de l'hôpital qui n'a pas les moyens de leur fournir de véritable médecin. Cette série illustre avec une grande justesse les rouages du système hospitalier, le rôle des infirmiers et des infirmières, les relations parfois fortes entre soignés et soignants, l'épuisement du personnel soignant, mais surtout un système au bord de l'effondrement. On y découvre aussi le courage, le dévouement et la passion des médecins et des infirmiers. Le monde des études de médecine très dur et la vie de ces étudiants sont aussi présents. Imaginez-vous la pression qui est s'exerçant sur ces jeunes internes lorsqu'il faut tout simplement réaliser un prélèvement dont dépend la vie d'une jeune fille de 16 ans. Quoi de plus beau que de voir ces jeunes internes sacrifier leur nuit, leur vie personnelle et parfois même leur santé au profit des malades, lorsqu'Alison cherche dans les ordures de l'hôpital le dentier d'une patiente pendant des heures, ou bien l'attention que porte Chloé à FTOM, comprenez Female to Male. La série Hippocrate illustre et rend concret le serment du même nom plus que deux fois millénaire, dont voici deux extraits. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Ainsi, si cette série que je vous recommande vivement souligne et dénonce les travers d'un système français à bout de souffle, elle nous fait découvrir la face cachée et le quotidien du monde médical trop peu connu. Elle met en lumière l'un des plus beaux métiers du monde et rend hommage à ceux qui nous soignent. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de la série. C'est quoi le problème avec les médecins ? Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque. Bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. T'es parti de l'appart ? Ils vous mettent où ? Ils nous regroupent dans un hôtel près du Bourget, on sait pas encore combien de temps. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes, les deux autres, c'est leur premier stage. Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je le gère ton service. T'as voulu aller dans le service de ton mec, t'assumes. Si vous avez pas envie que ça sache, ça vous regarde. Contention ! Arrête ! Bah on a besoin d'aide. Bonsoir, Arben Bachar. Quand tu veux laisser opérer un légiste ? Non, mais attends, il est pas que légiste, Arben. Agent pathogène non identifié. La mise à l'écart des médecins est prolongée jusqu'à Noël. 38-9 ? T'as pas vu ça non plus ? Non, je suis désolée. Ouais, elle est relou, mais elle assure, t'inquiète. C'est quoi cette TS que t'as acceptée dans le service ? Être le fils de Wagner, ça te donne pas tous les droits. Hein. T'appelles de Mazière, tu lui dis que c'est moi qui t'envoie. Ok, merci maman. On a une petite idée quand même de combien de temps ça va durer, cet isolement ? Le temps qu'on sache de quoi le patient est mort. Par le réalisateur de Médecins de campagne et Première année. Toi, t'as deux secteurs, c'est ça ? Ouais. Tu peux en prendre un des deux. Thomas Lilti filme des internes en première ligne. Nouvelle création originale. Hippocrate, lundi 20h55 sur Canal+. C'était donc la bande-annonce de Hippocrate. Et Cathy, le mot de la fin. Donc, pour conclure sur la malnutrition en Europe, voici quelques solutions. Donc, déjà, notamment pour les enfants, car c'est les enfants qui sont le plus touchés, l'État met en place des cantines à 1 euro, car ceux-ci proposent souvent, bien souvent, de meilleurs repas que les repas tout faits, tout préparés, qu'on a juste à réchauffer au micro-ondes. Et pour les étudiants, il y a aussi des solutions comme les restaurants universitaires, parfois bien mieux que les repas qu'on achète dans les magasins tout faits, avec beaucoup de choix entre des repas végétariens ou non, entre des repas un peu plus gras et d'autres un peu moins gras. Et voilà, il y a beaucoup de solutions pour lutter contre cette malnutrition, mais c'est surtout à nous de prendre les bonnes solutions. Merci beaucoup Cathy. Et maintenant Europe and Roll, excusez-moi, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Donc si on vous manque trop, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Twitter et Facebook. À la semaine prochaine sur Fadjet.